La nouvelle de la réussite coréenne à l'essai d'explosion de l'ogive nucléaire soulève un grand impact dans le monde entier. C'est à ce moment que les autorités sud-coréennes, stupéfiées à cette nouvelle, livrent de nouveau la campagne démagogique contre les compatriotes. À l'occasion de la fête des moissons, elles ont incité les formations civiles réactionnaires à publier sur les presses le plan de lancement des tracts anti-République populaire démocratique de Corée. Selon le plan, plus de 40 déchets humains, y compris Park Sang-ha, représentant de la Fédération des mouvements pour la Corée du Nord libre, seront réunis au pavillon d'unification Odosan et lanceront au nord plus de 10 ballons portant les billets $1 américain et plus de 300 000 tracts contre l'essai nucléaire et le régime socialiste de la Corée populaire. Ensuite, ils feront sur place l'offrande conjointe inspirant la confrontation fratricide. Le déchet humain sans précédent Park Sang-ha a déclaré de lancer les tracts contre le Nord avant l'offrande conjointe consacrée à la fête des moissons et dit que la fête des moissons de cette année a un caractère différent à cause du cinquième essai nucléaire du Nord. En effet, le lancement des tracts et l'offrande conjointe sont les derniers emportements désespérés des ordures humaines qui ont déserté la famille et la patrie pour se subsister à travers la confrontation intercoréenne. Les autorités sud-coréennes, habituées à l'hostilité, à la méfiance et à la confrontation contre les compatriotes, ont fixé la campagne démagogique contre le Nord comme la politique d'État et précipitent les déchets humains au-delà de la zone interdite aux civils à faire de la fête folklorique l'occasion de confrontation. À présent, les troupes sud-coréennes à la première ligne du front intensifient la posture de frappe et prennent d'autres mesures pour soutenir sur le plan militaire le lancement des tracts anti-République populaire démocratique de Corée des formations civiles réactionnaires. À travers le lancement des tracts, les autorités sud-coréennes visent tout d'abord à déshonorer la position de la République populaire démocratique de Corée, extrêmement rossée par la réussite à l'essai d'explosion de l'ogive nucléaire, et a provoqué notre armée à livrer les représailles. Ensuite, elles vont aggraver la situation en les prétendant comme provocation pour ainsi s'échapper de la crise de pouvoir acculée dans l'impasse. Mais ce n'est qu'un rêve absurde d'un chien qui aboie à la lune. Le socialisme à la coréenne le plus cher au peuple est une forteresse imprenable. Les militaires et civils coréens ne toléreront jamais la campagne conspiratrice contre la Corée socialiste telle que le lancement des tracts. Il est facile de connaître le sort des auteurs et de l'endroit de la campagne démagogique contre le Nord. Plus les autorités sud-coréennes s'adonnent au complot contre les compatriotes, plus elles hâteront leur ruine. Que les traîtres sud-coréens le sachent correctement.